l'importance de l'apprentissage de la science religieuse, l'importance de l'étude de la science religieuse. Et le deuxième point concerne l'importance de la croyance authentique, et ceci sera sous trois questions. Pourquoi la croyance est-elle une science importante? Qu'est-ce que la croyance? Qu'est-ce que signifie la croyance? Et la troisième question, les sources et les références de la croyance authentique, c'est-à-dire d'où puiser pour apprendre la croyance authentique. Premièrement, concernant l'apprentissage ou l'étude de la science religieuse, mes frères et sœurs, sachez qu'elle fait partie des meilleures œuvres. Sachez qu'elle fait partie des meilleures œuvres par lesquelles se rapproche le serviteur de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi l'étude de la science religieuse fait-elle partie des meilleures œuvres? Pourquoi? Premièrement, car l'étude de la science religieuse prime sur la parole et l'action. Prime sur la parole et l'action. C'est-à-dire que la science religieuse est avant la parole et l'action. Ceci parce que les paroles de l'individu et ses actes, c'est-à-dire ses actes d'adoration, ne sont valides que lorsqu'ils émanent et proviennent de la science religieuse. Ainsi, ceci est une preuve du rang important qu'occupe la science religieuse et qu'il n'est pas permis à celui qui adore Allah de commencer l'acte d'adoration si ce n'est après la science religieuse, après avoir appris la science religieuse. Wa an Aisha radiallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal: Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. D'après Aïcha, radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui fait une action qui n'est pas en conformité avec notre religion, celle-ci sera rejetée. Donc, on comprend à travers ce hadith que l'action, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit conforme à la religion. Le musulman se doit ainsi d'apprendre la science religieuse avant de la mettre en pratique au risque de voir son action rejetée. Au risque de voir son action rejetée. Et parmi les mérites de l'apprentissage de la science religieuse, il y a le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, facilite un chemin vers le paradis à celui qui emprunte cette voie, qui emprunte la voie de l'apprentissage de la science religieuse. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Le prophète s'est dit ici: celui qui emprunte un chemin vers la recherche de la science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. On va éclaircir brièvement ce hadith. Le mot science dans le hadith signifie la science religieuse. Ainsi, celui qui emprunte un chemin vers la science, vers la recherche de la science religieuse, celui qui emprunte un chemin vers la recherche de la science religieuse ici. Et la phrase celui qui emprunte un chemin vers la recherche de la science, cette phrase est générale. Elle englobe plusieurs choses, dont le voyage pour l'étude de la science, les assises auprès des savants, l'écoute de cours religieux, l'achat de livres bénéfiques. Les livres bénéfiques, c'est ceux qui nous apprennent et nous font comprendre les textes du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les étudier avec les savants ou les étudiants en sciences. Tout ceci fait partie de suivre un chemin à la recherche et l'étude de la science religieuse. Ensuite, la fin du hadith, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Car c'est la science religieuse qui explique la voie menant au paradis, qui explique la voie menant au paradis. Il n'est pas possible de suivre un chemin qui mène au paradis si ce n'est par l'apprentissage de la science religieuse, car c'est par celle-ci que vous pourriez reconnaître ce qui est légiféré de ce qui ne l'est pas, de ce qui ne l'est pas. C'est pour cela que beaucoup de gens, malheureusement, tombent dans les égarements ou dans des innovations religieuses par ignorance du fait qu'ils n'apprennent pas leur religion. Donc, ils ne peuvent pas différencier ce qui est légiféré de ce qui ne l'est pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un autre hadith: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion, lui enseigne la bonne croyance de la religion. Ainsi, les signes prouvant qu'Allah veut ton bien est qu'il te guide et te dirige vers l'apprentissage et la compréhension de la religion. Et également, ce qu'on comprend du hadith, c'est que celui qui n'étudie pas la religion, Allah Azzawajal n'a pas voulu pour lui le bien. Cela, mes frères, nous incite à apprendre la science religieuse pour que l'on soit, Incha'Allah Ta'ala, parmi ceux à qui Allah veut du bien. Parmi ceux à qui Allah veut du bien. On peut aussi ajouter, parmi les mérites de l'apprentissage de la science religieuse, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cette science comme étant son héritage. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam: Inna al-ulama'a warathatu al-anbiya'i, inna al-anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathu al-ilm, faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici: Certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Certes, les prophètes n'ont laissé comme héritage ni dinar et ni dirham. C'est-à-dire que les prophètes n'ont pas laissé d'argent comme héritage. Ils n'ont certes laissé comme héritage que la science religieuse. Quiconque l'apprend aura certes pris une part immense. Quiconque étudie la science religieuse aura certainement pris une part immense. Ce hadith est clair concernant l'importance de l'apprentissage et l'étude de la science religieuse, la science du Coran et de la Sunna. Car c'est l'héritage que nous a laissé notre prophète. Car c'est l'héritage que nous a laissé notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a donc rien parmi tout ce qu'on peut trouver dans ce bas monde qui égale la science religieuse. Et parmi les mérites de la science également, il y a le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a ordonné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de l'invoquer. Allah, il a ordonné au prophète de l'invoquer afin de l'augmenter en science. Comme il a dit dans le Coran, wa qur rabbi zidni ilma. Le sens rapproché ici, dit, Allah il dit au prophète, dit, ô mon Seigneur, ajoute-moi en science. Ô mon Seigneur, ajoute-moi en science. Par la suite, Allah Azzawajal a répondu à l'invocation du prophète et lui a donné de la science comme il n'a pas donné à autre que lui, alayhi salatu wa salam. Donc, mes frères et sœurs, tout ce que nous avons cité précédemment comme versets et paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit nous pousser et nous inciter à apprendre et à étudier la science religieuse. À apprendre et à étudier la science religieuse et à faire des efforts dans celle-ci. Walhamdulillah, à notre époque, les chemins vers la science sont nombreux et accessibles à tous. Par exemple, pour les frères francophones qui comprennent la langue arabe, les audios des savants et des mashayikhs sont disponibles sur Internet et à portée de tous. Walillahilhamd. On peut aussi trouver certains des cours de nos mashayikhs diffusés en direct. Il y a une chaîne connue qui diffuse énormément les cours de savants et des mashayikhs en direct. Cette chaîne s'appelle Mirath al-Anbiya. Mirath al-Anbiya. Vous pouvez trouver l'application par le biais de Internet, Inch'Allah Ta'ala. Et pour les frères francophones qui ne comprennent pas la langue arabe, je demande à Allah Azzawajal qui leur facilite l'apprentissage de cette science. Il y a les prédicateurs francophones parmi les gens de la Sunna qui fournissent, par la grâce d'Allah, beaucoup d'efforts dans l'enseignement de cette religion, par le biais de traductions des paroles de nos savants, de la Sunna, ainsi que la traduction d'explications de beaucoup de leurs ouvrages, qui traitent sur plusieurs sciences, comme la science, de la croyance, de la jurisprudence et d'autres sujets également. Alhamdulillah, qu'Allah leur donne la réussite. Et tout ceci via leur site internet ou encore leur radio. Et afin de faire profiter ceux qui n'ont pas connaissance de ces sites, Et afin de faire profiter ceux qui n'ont pas connaissance de ces sites, je vais en citer quelques-uns. Parmi ces sites, on a le site Markez el-Ghuraba. Markez el-Ghuraba. Il y a aussi le site An-Nasiha. An-Nasiha. Également le site Durus Sunna. Durus Sunna. Le titre de notre frère Souleymane El-Haïti, de notre frère Souleymane El-Haïti, qui s'appelle Salafi de Montréal. Salafi de Montréal. Et d'autres encore. Walillahi l'hamd. Car la science, ya ikhwati, ne se prend pas auprès de toute personne qui parle de religion. À notre époque, appeler à la religion est devenu une mode. Et beaucoup d'entre ces gens-là, malheureusement, égarent les gens. Car ils parlent sans science. Ils parlent sans science. Ce sont des égarés qui égarent les gens. Qui, par exemple, critiquent les compagnons. Critiquent les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres qui rendent licite ce qu'Allah azzawajal a rendu haram. Certains d'entre eux poussent et incitent, surtout et plus particulièrement, les jeunes à la perdition et l'égarement en les incitant à aller faire soi-disant des djihad dans certains pays. Wallahul musta'an. Et c'est pour cela que j'ai trouvé bénéfique de citer certains des sites fiables. Alhamdulillah. Et cela afin de ne pas tomber dans l'égarement et les ambiguïtés, notamment et plus particulièrement pour ceux qui n'ont pas accès aux paroles de savants directement ou qui ne comprennent pas la langue arabe. Alhamdulillah, comme j'ai dit précédemment, ces sites, on peut y trouver les traductions des paroles des savants ainsi que des traductions d'ouvrages de nos savants de la Sunna ainsi que l'explication aussi de livres des savants. L'explication de livres des savants. Walhamdulillah. Ensuite, après avoir montré l'importance de l'apprentissage de la religion, on va maintenant parler de la science la plus importante, qui est la science de la croyance islamique, la science de la croyance. Car le poème que nous allons étudier porte sur certains sujets de la croyance. Premièrement, pourquoi est-elle si importante? Pourquoi la croyance est-elle si importante? Deuxièmement, que signifie la croyance? Troisièmement, quelles sont les sources de la croyance? C'est-à-dire, d'où puiser pour apprendre cette croyance, la croyance islamique. Donc la première question, pourquoi la croyance est-elle si importante? Ici, j'ai répondu à cette question en citant une parole de Cheikh Saleh Al-Fawzan qui dit à ce sujet, Sanatanawalu insha Allahu mawdu'an yahum kull muslimin wa muslimah. Ala wa huwa al-aqidah. فهي الأساس المصحح لجميع الأعمال فكل عمل لا يبنى على عقيدة سليمة فإنه مردود على صاحبه مهما أتعب نفسه ومهما أفنى حياته فيه. انتهى كلامه. Le cheikh dit en français: Nous allons traiter, inshallah, d'un sujet qui concerne tout musulman et musulmane. Et ce sujet n'est autre que celui de la croyance. Celle-ci est le fondement de ce qui corrige tous les actes d'adoration. Ici, il montre l'importance de la croyance. C'est cette phrase-là. Celle-ci est le fondement de ce qui corrige tous les actes d'adoration. Car tout acte d'adoration qui n'est pas fondé sur une croyance saine est rejeté d'emblée de son auteur. Quand bien même celui-ci s'est épuisé dans son accomplissement, et y a consacré toute sa vie. Fin de citation. Et il dit dans un autre endroit de son livre, le Cheikh, وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ عِلْمَ الْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ هُوَ الْعِلْمُ الْأَسَاسِيُّ الَّذِي تَجْدُرُ الْعِنَايَةُ بِهِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا وَعَمَلًا بِمُوجِبِهِ لِتَكُونَ الْأَعْمَالُ صَحِيحَةً مَقْبُولَةً عِنْدَ اللَّهِ نَافِعَةً لِلْعَامِلِينَ. انتهى كلامه. Le cheikh Saleh Al-Fawzan dit ici: La science de la croyance islamique est sans aucun doute la science fondamentale qui mérite toute l'attention du point de vue de son apprentissage, de son enseignement et de sa pratique. Et cela afin que les actions soient conformes et acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elles soient de grande utilité pour ceux qui la mettent en pratique. Fin de citation. Les paroles ici du Cheikh, hafidhahullah, sont très claires et elles montrent bien toute l'importance que nous devons porter à l'égard de la science de la croyance, à l'égard de la croyance islamique. Ensuite, Deuxièmement, la deuxième question, qu'est-ce que signifie la croyance? On va définir, inshallah ta'ala, la signification du mot croyance linguistiquement, c'est-à-dire en langue arabe. Que veut dire le mot croyance en langue arabe? Et ensuite, on définira le mot croyance d'un point de vue religieux. Premièrement, son sens linguistique, c'est-à-dire son sens en langue arabe. En langue arabe, le mot croyance est extrait d'un mot qui désigne le fait de lier ou attacher quelque chose. Le fait de lier ou d'attacher quelque chose. Par exemple, on dit j'ai cru en quelque chose. Quand on dit j'ai cru en quelque chose, cela signifie j'y ai attaché mon cœur. J'y ai attaché mon cœur. Ça, c'est le sens d'un point de vue linguistique. Deuxièmement, la croyance d'un point de vue religieux. La définition d'un point de vue religieux. C'est la foi en Allah. C'est la foi en Allah, premièrement, en ses anges, deuxièmement, en ses livres, troisièmement, en ses prophètes, quatrièmement, au jour du jugement dernier, cinquièmement, et au destin, qu'il soit bon ou mauvais, c'est le sixième. Et ces six piliers sont les piliers de la foi, sont les piliers de la foi. Et les sujets que l'on va étudier, inshallah ta'ala, dans ce poème, concernent quelques points de la foi en Allah. Quelques points de la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, et aussi la foi au jour du jugement dernier. La foi au jour du jugement dernier. Et pour terminer notre introduction, la troisième question, quelles sont les sources et les références à partir desquelles nous devons puiser pour apprendre cette science, c'est-à-dire la croyance, pour apprendre la croyance. La croyance est fondée sur les preuves juridiques, c'est-à-dire le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Salih Al-Fawzan dit dans son livre intitulé Aqidatu Tawhid, Al-Aqidatu Tawqifiyatun, Fala Tathbutu Illa Bidalilin Min Al-Shari'a. Il dit ici la croyance est tawqifiyya, c'est-à-dire qu'elle n'est validée qu'en présence d'une preuve juridique qui ne laisse pas de place à l'effort d'interprétation ou de raisonnement. Qui ne laisse pas de place à l'effort d'interprétation ou de raisonnement. Il continue de dire Wa min thamma fa inna masadiraha maqsuratun ala ma jaa bihi. Donc, à partir de ceci, ces sources sont donc limitées à ce qui est venu dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ici, c'est la raison pour laquelle la méthode des pieux prédécesseurs dans l'acquisition du dogme dans l'acquisition de la croyance, était restreinte et limitée à quoi? Au Coran et à la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il continue, il dit, Fama dalla alayhi al-kitab wa sunna, amanu bihi, wa'taqaduhu, wa'amilu bihi. Wama lam yadulla alayhi kitab Allahi, wala sunna rasulihi, alayhi salatu wa salam, nafauhu anillahi ta'ala, wa rafaduhu. ولهذا لم يحصل بينهم اختلاف في الاعتقاد لم يحصل بينهم اختلاف في الاعتقاد بل كانت عقيدتهم واحدة. Ici, il dit en français, ils ont cru et mis en pratique tout ce qu'a indiqué le Coran et la Sunna dans le droit d'Allah. Et ils ont délaissé et refusé tout ce qui n'y a pas été mentionné. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs n'ont point divergé entre eux dans le domaine de la croyance. Fin de citation. Et les gens de science, parmi les gens de la Sunna, ont consacré et consacrent beaucoup de temps dans l'enseignement de la croyance authentique. Ils ont écrit beaucoup de livres et d'ouvrages concernant ce sujet. Parmi ces livres, il y en a qui sont longs et d'autres plus courts, sous forme de textes ou de poèmes. Sous forme de texte ou de poème. Et comme cela a été mentionné, j'ai choisi pour ce séminaire d'étudier avec vous un poème intitulé Al-Lamiyya, écrit par le grand savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimahullah. Concernant le poème, il contient 16 vers, ce qui est très court, mais malgré qu'il soit court, il rassemble beaucoup de profits liés à la croyance islamique, et plus particulièrement la croyance en Allah Azzawajal et la croyance en au jour du jugement dernier, et la croyance au jour du jugement dernier. Il a été appelé Lamiya car la dernière lettre de chaque vers est la lettre Lam en langue arabe et la lettre Lam. Ensuite, qui est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Qui est-il? Houa Abul Abbas. Abul Abbas, sa kunya. Ahmed Ibn Abdil Halim Ibn Abdil Salam Al-Harrani. Ahmed Ibn Abdil Halim Ibn Abdil Salam Al-Harrani. Il est très connu de son surnom, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il naquit en l'an 661 de l'Hégire, dans la ville de Harran, qui est une ville de la Turquie actuelle, et mourut en l'an 728 de l'Hégire. Rahimahullah wa rahmatan wa si'atan. Il, c'est-à-dire Cheikh l'Islam, fait partie de ceux qui ont revivifié la religion. Et parmi les éloges qui ont été faits à son égard, on trouve la parole du grand savant El-Miziyu, rahimahullah, qui dit: Je n'ai vu personne de semblable à lui, et lui-même n'a pas vu quelqu'un semblable à lui. Et je n'ai vu personne plus savant que lui au sujet du livre d'Allah et de la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Et je n'ai vu personne de plus attaché que lui au suivi du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa salam. Fin de citation. Et il nous suffit également de citer que parmi ses étudiants, il y a des grands imams et des grands savants. On compte parmi eux Ibn al-Qayyim et Ibn Kathir et Ibn Muflih et al-Dhahabi et d'autres encore. Rahimahullahu wa rahmatan wa si'atan. Et je vais essayer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'éclaircir l'ensemble des sujets contenus dans ce poème et je demande à Allah l'aide et la réussite. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit dans le premier vers: Ya سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. La traduction du vers est la suivante: Ô toi qui interroges au sujet de ma voie et de ma croyance, que le suivi de la bonne voie soit accordé à celui qui interroge pour être guidé, à celui qui interroge pour être guidé. Ce qui est apparent de la première partie de ce vers est que le cheikh va répondre à travers ce poème à une personne qu'il a interrogée au sujet de sa croyance. Mais il est aussi possible que ce poème s'adresse à toute personne désirant être sur la bonne croyance. À toute personne désirant être sur la bonne croyance. Ensuite, il dit, dans la deuxième partie du vers, Ruziqa al-huda man lil-hidayati yas'alu. La traduction, que le suivi de la bonne voie soit accordé à celui qui interroge pour être guidé. Donc, dans la deuxième partie du vers, Cheikh l'Islam fait une invocation en faveur de toute personne qui s'interroge sur sa croyance et sa voie dans le but, écoutez bien ici, dans le but d'être guidé sur le droit chemin, sur la bonne croyance. Ainsi, ici, l'intention visée par la question n'est autre que la recherche de la croyance authentique. N'est autre que la recherche de la croyance authentique basée sur le Coran et la Sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Par conséquent, cette invocation du Shir, rahimahullah, en faveur de celui qui l'interroge, nous montre quoi? Nous montre son bon comportement, sa sagesse ainsi que sa douceur, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ainsi, ce qui incombe à l'enseignant, à celui qui appelle à la voie d'Allah, à celui qui ordonne le bien et interdit le blâmable, c'est qu'il soit bienveillant, doux avec la personne à qui il s'adresse, par le biais d'invocations en sa faveur ou encore par la bonne parole. Et par ses bons comportements, la personne est plus à même d'accepter cette da'wah, insha'Allahu ta'ala. Et je demande à Allah, Azza wa Jal, de nous guider sur le droit chemin et de nous raffermir dessus. Insha'Allahu ta'ala, on va terminer là pour aujourd'hui. Et on reprendra demain à partir du deuxième vers. Bi'idhnillah. Barakallahu fikum, wa jazakum khayr al-jaza, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.